Alléluia. Oh, il vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Maranatha. Nous venons encore auprès de toi sous le sang de l'agneau, le sang de notre rédemption. Nous te disons merci pour ce grand travail que tu as accompli à Golgotha pour nous racheter. Merci pour le salut. Merci pour le message de l'heure. Et merci pour ce temps que tu nous accordes ce soir. Bénis la lecture de la parole. Circoncis chaque oreille. Donne l'entendement spirituel à tes enfants. Circoncis nos lèvres. Sois avec nous. Guéris les malades. Libère les captifs. Délivre les possédés. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Seigneur, baptise du Saint-Esprit tes enfants disposés, que l'œuvre de l'ennemi soit vaincue en ces lieux, car nous avons ainsi prié par la foi dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du salut, le nom qui donne la vie, le nom de la résurrection, le nom de notre Sauveur, Seigneur Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons le sujet que nous avions commencé. Parlant sur l'orientation divine à l'église épouse pour l'enlèvement. Parce que nous sommes ici pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Non pas pour créer une autre dénomination, mais pour se préparer, car le retour du Seigneur est proche. Et le Seigneur Dieu, quand il promet quelque chose, c'est lui-même qui vous oriente jusqu'à l'accomplissement de cette promesse-là. L'homme n'a rien à voir dans les choses de Dieu. Si l'homme met sa pensée dans ce que Dieu est en train de faire, cela produit la mort. Si l'homme doute de ce que Dieu est en train de faire, cela produit aussi la mort. Alléluia. La part de l'homme dans ce que Dieu est en train de faire pour accomplir ses promesses, c'est de croire à ce que Dieu dit et d'obéir à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Israël dans le désert, lorsqu'il sortit, la Bible dit, Moïse pria l'Éternel et dit, Seigneur, conduis-nous durant cette marche. Parce que Moïse avait compris, l'Éternel les a orientés de l'Égypte jusqu'à traverser la mer Rouge. Il fallait commencer le voyage, un long voyage. Et Moïse avait compris, il dit, si nous marchons de nous-mêmes, nous n'arriverons jamais, parce qu'il y a plusieurs obstacles. Alors Moïse pria le Seigneur, et dit fais-nous grâce. Toi-même marche devant nous. Si tu ne marches pas devant nous, nous aussi nous ne marcherons pas. Et Dieu a dit, je vous exaucerai. Je marcherai moi-même devant vous. Alléluia. Amen. Et il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Néhémie. La journée. L'Éternel le conduisait par la colonne de nuée. Et le soir, la nuit, par la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu avançait, Israël aussi avançait. Lorsque la colonne de feu s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. Il ne pouvait pas marcher devant la colonne de feu. Lorsque la parole de Dieu marche, les élus de Dieu marchent aussi. Là où la parole s'était, les élus de Dieu aussi s'étaient. Parce que la Bible dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Il faut que la parole soit devant. Puisse nous conduire. Nous sommes différents des pentecôtistes. Des gens des groupes de réveil. Des gens de nouvelles lumières qui ont des salles de dons auxquelles chaque chose il faut entrer dans la salle de dons et consulter l'Éternel. Si l'enfant est mort, il faut entrer dans la salle de dons pour savoir pourquoi l'enfant est mort. Moindre problème, il faut consulter. Dieu parle quand il veut. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, le nom de Dieu n'est pas comme un couteau auquel une femme dans la cuisine, il veut préparer du poisson, il prend le couteau, il utilise le couteau, il veut arranger des tomates, il prend le couteau, il veut prendre des oignons, il prend le couteau. Cela n'est pas ainsi avec le don de Dieu. Dieu agit quand il veut. Les gens du groupe de réveil, de nouvelles lumières, eux, ils sont conduits par les dons, par les prophéties et les visions. Mais les enfants de Dieu, l'église véritable de Dieu, n'est pas conduite par les dons. L'église véritable de Dieu est conduite par la parole de Dieu. Dans Marc 16, il est dit, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour les élus, le signe, les miracles, les dons nous accompagnent. Ça ne nous conduit pas, mais ça nous accompagne. Mais la parole de Dieu nous conduit. Alléluia. Amen. La colonne de feu était devant. Et ils étaient derrière. Alléluia. Amen. En dehors de ça, il n'y a point d'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons vu comment Élie, qui devait quitter la terre et aller dans la gloire, Dieu l'a conduit à Bethel. Et nous avons vu ce qu'était Bethel. Nous avons vu ce qu'était Bethel. Bethel, ce que Dieu voulait nous faire voir. Que là était une échelle qui s'est posée sur la terre et dont les sommets touchaient le ciel. Mbingu. Et l'Éternel était là. Les anges montaient et descendaient. Alléluia. Amen. Sur cette échelle. Et cette échelle, nous avons lu dans Jean chapitre 1er. Au verset 51, le Seigneur dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Ce ciel qui a été fermé durant les âges à cause du péché de l'Éden. Mais le Seigneur dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Il est le ciel que vit Jacob. Eko, il est mungazi Jacob aliona. C'est le que par lui que nous pouvons aller au ciel. Mpaka kupitia yeye ndio tutaenda. Il est la porte des cieux. Yeye ndio mlango ya mbingu. Une seule porte. Mlango moja tu. En dehors de lui, nje yake, il n'y a pas de salut. Hakuna wokovu. Alléluia. Amina. La porte ouverte. Mlango ya wazi. À la Pentecôte. Pentecoste. Et la porte ouverte sur la révélation de la divinité suprême du salut ou de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le salut. Parce que Siméon, lorsqu'il priait, car il avait reçu une promesse de la part de Dieu, qu'il n'allait pas mourir sans qu'il ait vu le Messie. Et quand le temps fut accompli, l'Esprit de Dieu conduisit Siméon jusque vers l'enfant. Et il a pris dans ses mains. Et Siméon a prié. Il dit, Seigneur, laisse-moi maintenant me reposer un peu, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La révélation de la divinité suprême. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu fait chair. William Branham n'est pas Dieu fait chair. William Branham avait une portion de l'Esprit de Dieu. William Branham comme Pierre et Paul avaient une portion de l'Esprit de Dieu. Mais Jésus-Christ avait la plénitude de la divinité reposant en lui. Celui qui a vu Élie. Pardon? Celui qui a vu Élie, il a vu un homme. Aliona mutu. Celui qui a vu Esaïe, il a vu un homme. Aliona mutu. Celui qui a vu Pierre, Aliona Petro. Il a vu un homme. Aliona mutu. Celui qui a vu Branham, Aliona Branham. Il a vu un homme. Aliona mutu. Mais celui qui a vu Jésus-Christ, Alakinuna namona il a vu Yesu. Dieu. Anamona mungu. Alléluia. Amen. Philippe pouvait lui dire, montre-nous le Père. Montre-nous chez tu baba. Dans Jean 14. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus-Christ lui dit, Philippe, depuis longtemps, je suis avec vous. Tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Dieu dans la chair. Mungu katika mwili. Jésus-Christ. Il faut avoir la révélation. Na ufunuo. Le connaître. Kumujua. Le croire. Kumuamini. Par la révélation. Kupitia ufunuo. Non pas par le faux semblant. Apana, non pas par l'intellect. Apana kumawazo. Parce que beaucoup ont cru par l'intellect. Ba mingi bariamini kupitia kichwa. Alléluia. Amen. Par le raisonnement. Si tu crois le Seigneur, par le faux semblant, j'ai cru, tu as été baptisé, mais la révélation de la personne de Jésus, de sa divinité, n'est pas en vous, tu seras emporté. Alléluia. Amen. Il est la porte ouverte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si tu trouves cette porte-là, mon frère, ma soeur, par la révélation et que tu y entres, personne ne le fermera. Aucune tribulation, aucune armée de ce monde ne pourra fermer cela. Aucun démon ne pourra t'emporter. Alléluia. Alléluia. Que le diable fasse tout ce qu'il veut, il ne pourra jamais. Parce que tu es entré par la porte. Pour qu'il puisse t'avoir, il doit passer par Jésus. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un puisse t'atteindre, la porte ouverte c'est Jésus. Ce démon là doit entrer par Jésus. Le diable doit entrer par Jésus et arriver là-bas. Il te prend, il te fait sortir encore dans le monde, dans le péché et dans la souillure. Et Jésus-Christ, celui qui l'a laissé entrer, va-t-il permettre à un démon, au diable, d'entrer par lui? Ça ne peut pas se faire. Donc si tu entres par Jésus-Christ, tu dis au revoir au monde. Alléluia. Amen. C'est comme des gens qui entrent dans l'avion pour voyager. Alléluia. Amen. Ils montent dans l'avion et le pilote démarre l'avion. Il commence à chauffer le moteur et il commence à quitter. Ils savent que nous quittons déjà. Il n'y a personne qui est là-bas en bas qui peut encore monter dans l'avion et te faire descendre. C'est fini. Alléluia. Amen. Et après Bethel, kisha Betheli, continuons la lecture. Tuendele na usomi. Dans Deux Rois, Mwafalme wa pili. Deux Rois, chapitre 2, Mwafalme wa pili, sura ya pili. Verset 4, Musari ya ine. Élie lui dit, Elia kamwambia, Élisée, Elisha, reste ici, je te prie, ubaki hapa mimi nakusi, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Wani wa milele ananituma ku Jéricho. Il répondit, akamujibu, l'Éternel est vivant, wa milele ni mzima, et ton âme est vivante, nafsi yako ni mzima, je ne te quitterai point. Sitakuacha kamwe. Et ils arrivèrent à Jéricho. Na wakafika ku Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho, batoto wa manabii wale walikuwa ku Jéricho, s'approchèrent d'Élisée, wakamukaribia Elisha, et lui dirent, na kumwambia, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Unajua kwamba milele leo atamnyanyua bwana wako yule akitaka. Et il répondit, naye akajibu, je le sais aussi, na mimi naijua, taisez-vous, mukae kimya. Alléluia. Amen. Élie obéissa au premier étape. Elisha akatambuka hatua ya kwanza. Quitte là où tu es à Gilgal. Toka pale uko Gilgali. Et va à Bethel. Na uende ku Betheli. Élie a dit amen à la parole. Elia alisema amina kuneno. Il est arrivé à Bethel. Na alifika ku Betheli. Alléluia. Amen. Quand il arrivait à Bethel, Bethel, il savait que je suis sous la conduite de Dieu. Alijua sema ni kuchini ya ongozi ya ce Mungu. Chemin injia me conduit dans l'enlèvement. Inanipeleka ni mkunyanyuliwa. Et arrivé à Bethel, na kufika ku Bethel, combien de heures firent là-bas? Ma sanga pia alifanya, je ne sais pas. Atujue. Parce que la parole n'en a pas dit. Kwani neno la Mungu aiseme. Et après Bethel, kisha Betheli, le Seigneur lui dit encore, Bwana kamwambia tena, Élie, Elia, quitte Bethel, toka Betheli, va à Jéricho. Wende ku Jéricho. C'était la deuxième étape. Il kwani kipande ya pili. Et Élie a obéi. Na Elia aliti. Lorsque Dieu parle, wakati Mungu anasema, il faut obéir. Inapashi kutii. Sinon tu ne seras pas agréable à lui. Kama ina vile utampendeza. Alléluia. Amen. La foi, imani, l'obéissance, utifu, vaut mieux que le sacrifice. Inashindia sadaka. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui peut gêner, mutu la naweza funga, mais il n'obéit pas la parole, alakini ashiti, il peut prier de 0h à 6h. Anaweza kuomba usiku mzima. Priant, priant, priant. Kuomba, kuomba. Mais la vie de la parole, il n'y en a pas. Ananayo. Alléluia. Amen. Il ne sera pas agréable à Dieu. Il na faut Mungu. Que la vie des prières, inapashi maisha c'est quelque maombi. Chose de bon, la vie des prières. Ma, la consécration est quelque chose de ujitoa bon. Mais ce qui est plus important, c'est la vie de la parole. Ni maisha ya l'obéissance la Mungu. À ce que Dieu dit. Utifu ya kile Mungu yako nasema. Alléluia. Amen. Élie a obéi. Elia aliti. Et il est arrivé à Jéricho. Na alifika ku Jéricho. Et à Jéricho là-bas, kule ku Jéricho, le fils des prophètes était aussi là. Nabo ils kule, ont dit à Élisée, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui leo au-dessus de ta tête. Yulu ya kichwa kyako. Les fils des prophètes parlaient de l'enlèvement là à Bethel. Même à Jéricho, Jéricho ils connaissaient que Élie sera enlevé. De la même manière aujourd'hui, il y a les fils des prophètes dans le groupe des réveils. Ils prêchent l'enlèvement et ils s'attendent à l'enlèvement. Ils font même leur séminaire parlant de l'enlèvement. Mais l'enlèvement ne leur concerne pas. Parce que l'enlèvement concerne celui qui avait la conduite de Dieu pour ce temps-là. Alléluia. Et à Jéricho, il y a un événement merveilleux qui était passé là-bas. Voyons Josué, angalie mu Yoshua, chapitre 6. Yoshua sura ya sita. Nous commençons d'abord par le verset, le chapitre 5. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, sawa vile Yoshua alikuwa pembeni ya Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Akanua macho yake na kuangalia tazama mtu Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Au chapitre 6, verset 1er, Sura sita msari ya kwanza. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Amen. La Bible dit: le temps était arrivé où Israël, le peuple de Dieu, qui était sous la conduite de Dieu, devait posséder Jéricho. Mais Jéricho était une ville clôturée. Un royaume clôturé. Non pas avec des murs que nous voyons comme ça. Alléluia. Amen. L'épaisseur de muraille de Jéricho était plus de 4 mètres. Dans l'épaisseur, dans ce sens-ci. Donc, le mur, l'épaisseur peut commencer là où il y a ce mur ici. Arriver même jusqu'ici. L'épaisseur du muraille. Alléluia. Amen. De telle manière que il n'y avait pas un endroit où entrer. Tout était bloqué. Personne n'entrait et personne n'est sorti. Josué a regardé. Il dit: Dieu nous a dit de posséder le pays, la vie. Mais comment entrer? Israël a regardé. Israël a dit: comment pourrons-nous entrer dans Jéricho? Nous n'avons aucun instrument qui peut nous permettre de faire écrouler le muraille. Quel genre d'instrument qui va faire écrouler ce muraille? Nous n'en avons même pas. Alléluia. Amen. Ils étaient limités. Affaibli. Ils ont perdu courage. Ils ne savaient pas que faire. Mais là où l'homme se limite, c'est là où Dieu prend maintenant la chose en main. Alléluia. Amen. Si Dieu te conduit, même s'il y a des barrières qui te semblent difficiles à franchir, et aie foi en Dieu. Alléluia. Amen. Jéricho, c'était le lieu d'obstacle où l'homme s'était limité, où l'homme ne pouvait plus rien faire, où l'homme s'était épuisé, et là où Dieu était entré en scène. Jéricho pour nous, ce sont les épreuves que nous avons dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons les obstacles des épreuves, les obstacles de tentation, tous ces péchés de l'Odyssée, toutes ces séductions, toutes ces difficultés, alléluia, qui se placent devant toi afin de t'empêcher de ne pas aller à l'enlèvement. Alléluia. Amen. L'enlèvement est de l'autre côté, mais devant, il y a les obstacles, il y a Jéricho. Alléluia. Amen. La séduction de la Odyssée. Utongozi à la Odyssée. De telle manière que l'homme, quand il regarde, il dit, anasema, je ne pense pas shuazi, que je vais aller en enlèvement. Le diable te dit, Shetani anakwambia, toi aussi, na weye, tu penses que tu iras en enlèvement. Toi, tu vas pas l'enlèvement. Toi, tu vas rester. Wa utabakia, regarde ceci. Tazama iki, regarde cela. Tazama kile. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils se sont limités là, wakati walisimama pale, là où nous sommes en train, nous avons lu dans Josué 5, nous sommes au Josué 5, au verset 13, 13, le chef de l'armée de l'Éternel. Mukubwa wa jeshi ya wa milele. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fait appel à l'Égypte. Abakuite Misri hapana. Ils n'ont pas fait appel à un autre pays de ce abakuite monde. Abakuite ingine hapana. Mais l'Éternel lui-même. Alakini wa milele mwenyewe. Qui leur avait donné cet ordre? Ulariwa patia wakati. Qui leur avait délivré? Ulariwa komboa. Qui les conduisait? Ularikuwa na baongo. Quand ils se sont limités, mucho, il est descendu. Alishuka, le chef de l'armée de l'Éternel. Wa ya wa milele, il est venu. Alikuja. Alléluia. Amen. Pour quel objectif? Gani, pour donner des directives. Ongozi, des orientations à Josué. A ongozi kwa Yoshua, pour que Jericho tombe. Juu ya Yeriko apate kuanguka. Alléluia. Amen. Pour que Jericho tombe. Juu ya Yeriko anguke. Ils étaient limités. Barifika mwisho. Ils savaient quoi, ils savaient plus quoi faire. Abakujua tena kia kufanya. Mais Dieu, alakini il Mungu prend soin de son peuple. Reko nangaikia taifa. Il prend soin de son œuvre. Reko nangaikia kazi yake. Crois seulement. Uamini tu. Si tu crois. Kama ukiamini. Et tu obéis à la parole de Dieu. Nakuti kuneno la Mungu. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Alléluia. Amen. Le chef de l'armée est descendu. Mukubwa wa jeshi ya Mungu. Pas l'armée de ce monde. Hapana jeshi ya dunia. Mais l'Éternel des armées. Alakini wa milele wa majeshi. Alléluia. Amen. Il est descendu. Alishuka. Et il s'est avancé vers Joshua. Akasonga mbele ya Yeshua. Au chapitre 6. Sura 6. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Jusqu'en descendant. Na kushuka. Il a commencé à donner l'orientation. Akaanza mpatia gizongozi. À Joshua. Alléluia. Amen. Dans chaque chose que Dieu fait, mukila kitu kila Mungu anafanya, c'est lui qui conduit le peuple. Ni yeye ndiye anaongoza taifa. C'est lui qui oriente le peuple. Ni yeye anaongoza taifa. Il n'y a jamais eu un homme de Dieu akuya kuyaka mtumishi wa Mungu de Genèse à l'Apocalypse tangia mwanzo na ufunuo qui a fait des choses de lui-même. Ulifanya vitu kwa yeye jamais. Kamwe. Même nous aujourd'hui, hata sisi leo, voyons le message. Tuamini ujumbe. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye. Ne mets pas ta pensée dans les choses de Dieu. Ne doute pas dans les choses de Dieu. Obéis et laisse-toi conduire par la parole. Alléluia. Amen. En dehors de ça, tu ne seras pas agréable à Dieu. L'Éternel dit à Joshua, viens Joshua, Joshua, tu vas prendre les hommes de guerre, batu vita, tu vas les placer devant, et tu prendras sept sacrificateurs, na saba, tu vas leur donner des trompettes retentissantes, maparapanda ya kulia nguvu, et puis en troisième lieu, ça sera l'arche, sasa fazi ya tatu, et nakano, le peuple sera derrière, na taifa, watu watakuwa nyuma. Par jour, kila siku, vous allez faire un tour. Mutazunguka mara moja. Pendant que vous tournez, wakati munazunguka, le sacrificateur sonne de la trompette. Makuhani wanapika parapanda. Et le peuple, na taifa, watu, restera calme. Batabakia kimia. En tournant calme. Mukuzunguka mukimia. Dieu ne fait pas de théâtre. Mungu afanyake michezo. Dieu ne fait pas de comédie. Mungu afanyake michezo. Chaque chose. Kila kitu. A un but. Kiko na kifukuzio. Alléluia. Amen. Il dit le peuple restera calme. Anasema watu wote watabakia kimya. Pendant que le sacrificateur sonne de la trompette. Wakati makuhani watapika parapanda. Josué dit. Yoshua kasema. Après avoir lui avoir dit ça. Kisha wa milele kumwambia vile. Alléluia. Amen. Il a rassemblé le peuple. Akakusanisha watu wote. Il a parlé au sacrificateur. Akasema na wakuhani. Il dit l'Éternel. Akasema wa milele aniniambia. Nous allons faire le tour. Tutazunguka. Pendant 7 jours. Masiku saba. Chaque jour en tout. Kila siku tuzunguka mara moja. Alléluia. Amen. Pendant que vous faites le tour, wakati munazunguka, le sacrificateur sonne la trompette. Bakuani banapika parapanda. Vous le peuple, mwe batu, vous ne direz absolument rien. Amutasema kitu. Je ne veux même pas attendre un mot. Je vende kusikia ta msemo moya kutoka kwenu. Jusqu'au jour où je dirai. Ufika na msiku ile nitamwambia. Ya kwamba mpike malalamiko. C'est alors que vous serez l'écrit. Pale njo mutapika malalamiko. Ça sera le septième jour. Itakuwa ni siku ya saba. Au septième tour. Na ni mukuzunguka kwa saba. C'est là où vous pousserez l'écrit. Njo pale mutapika makelele. L'ordre de Dieu a été donné. Agizo ya Mungu barileta. Alléluia. Amen. L'orientation a été donnée. Ongozi barileta. Et l'obstacle était là. Na kizuizo kilikuwa kule. Alléluia. Amen. Bien que l'obstacle était là. Wakati kizuizo ilikuwa pale. Le peuple agissait. Watu walikuwa natenda. Alléluia. Amen. Et le premier jour, na siku ya kwanza, comme il fallait faire 7 tours, vile ilipashi kufuzunguka mara saba. Alléluia. Amen. Le 7e jour, siku ya mais saba. Le premier jour, alakini siku ya kwanza, kuzunguka parce mara que le moja. Chiffre 7, wani, namba saba, c'est le chiffre de l'achèvement. Ni namba ya kumaliza. Alléluia. Amen. Il y a 7 âges de l'église. Ukubizazi saba kanisa. Il y a 7 messagers. Ukubajumbe saba. Il y a 7 trompettes. Ukumaparapanda saba. Salomon construisit les temples. Salomon alijenga hekalu. Pendant 7 ans. Miaka saba. Et le 7e année. Na mwaka saba. Lors de l'achèvement. Wakati ya kumaliza. La colonne de feu descendit. Guzo moto ilishuka. Naman le Syrien. Naman Musuria. Élisée lui avait dit. Elisha alimwambia. Plonge 7 fois. Ujitumbukize mara saba. Dans le jour du Jourdain. Mumaja Jordano. Il plongea la première. Akajitumbukiza mara kwanza. La toujours là. La deuxième fois, la lèpre était toujours là. La cinquième fois, la lèpre était toujours là. La sixième fois, la lèpre était toujours là. Alléluia. Amen. Crois la parole et obéis. Quand il se jeta la 7e fois, la lèpre disparut. La main était redevenue pure. Alléluia. Amen. Et Israël obéit. Le premier jour, kwanza, ils ont fait un tour. Waka le sacrificateur sonna les trompettes. Le deuxième jour, ya pili, ils ont fait un tour. Le sacrificateur sonna les trompettes. Les habitants de Jéricho, Yeriko, qui étaient là au-dessus, qui pouvaient regarder, ils voyaient Israël faire le tour et aller s'asseoir. Ils ne comprenaient pas. Ce peuple-là. Et ces gens ne font que de tout. Et ils vont s'asseoir. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont en train de chercher un trou? Ou qu'invertir? Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Mais eux, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient dans le sentier du devoir. Parce que Dieu devait accomplir la parole. Jéricho devait s'écrouler. Il devait posséder la ville. Le monde aujourd'hui, ils ne savent pas ce que nous faisons. Quand nous quittons les maisons et nous venons ici et nous adorons le Seigneur, nous croyons à la parole de Dieu, ils ne savent pas ce que nous faisons. Mais nous, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et dans ce temps, Dieu a envoyé un message et bientôt nous serons élevés. Le monde ne le sait pas. Mais nous, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Ils ont fait le tour. Barifanya, et le 7e jour, na siku ya saba, ils ont fait le premier tour. Barizunguka mara le deuxième, mara pili, troisième, mara tatu, quatrième, mara ine, cinquième, mara tano, sixième. Sita, le miracle était toujours là. Ukuta ilikuwa paka, même si le diable te combat, même si la maladie est toujours là, même si les problèmes sont toujours là, crois seulement, obéis à la parole. Le temps de Dieu vient où cela va disparaître. Où le péché là va tomber. Zambi tanguka. Alléluia. Amen. Et le 7e tour, na kuzunguka kwa saba, pendant que le sacrificateur sonnait les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, poussez des cris, et le peuple a crié. Le Dieu du ciel, il a vu que Josué, le sacrificateur, les hommes du peuple et les hommes de guerre et les peuples, ils ont obéi à sa parole entièrement. Et Dieu a bougé la terre. La terre était secouée. Et le miraille s'écroula. C'était la délivrance. Israël est entré. Et il a possédé le pays. Dans Psaume 133, le Seigneur dit, je revêtirai vos sacrificateurs du salut. Les sacrificateurs qui sont-ils? Ce sont les ministères que Dieu a établis. Alléluia. Amen. Ce sont des prédicateurs qui ne se sont pas élevés eux-mêmes, mais que Dieu a établi. Il les a revêtis du salut. Il dit, je revêtirai vos sacrificateurs du salut. Et le peuple poussera de cris de joie. Alléluia. Amen. Le peuple poussera des cris de joie. Les ministères établis par Dieu sont revêtus du salut. Qui est le salut? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand il se tient du haut de la chair et vous apporte la parole, ce n'est pas sa parole, mais il vous transmet le salut. Il vous transmet la parole de vie. Crois cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu fera écrouler tous les mirailles qui sont devant toi. Crois et obéis. Les péchés vont s'écrouler. Les démons vont s'écrouler. Tu vas vaincre les obstacles. Tu vaincras les épreuves. Tu surmonteras les épreuves et tu vaincras les tentations. Alléluia. Amen. Tout ce qui est devant toi comme obstacle t'empêchera d'avancer. Ça va tomber. Alléluia. Amen. Le mensonge va tomber. L'adultère va tomber. La prostitution va tomber. L'ivrognerie va tomber. Tout ce qui te bloque doit tomber. Alléluia. Amen. Lisons la parole. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie. Venons Zacharie. Tu trouves Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie sura yaine. Verset 6. Musari yasita. Alors il reprit et me dit. Basi aka kemena kusema. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Injo neno wa milele anamwambia Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Aina wala kwa uwezo. Alléluia. Amen. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Injo neno wa milele anamwambia Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, aina wala kwa uwezo, ni par la force, wala kwa nguvu, mais c'est par mon esprit. Alakini kupitia roho yangu. Dit l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa majeshi anasema. Qui est une grande montagne? Uku nani we mulima? Devant Zorobabel. Mbele ya Zorobabel. Tu seras aplani. Wewe utashushwa. Et il posera la pierre principale. Na ataweka liwe au milieu des acclamations. Katikati ya mimba. Grâce, grâce pour elle. Neema kwake. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel dit, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force. Alléluia. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas les capacités de vaincre le péché. Alléluia. Nous n'avons pas les capacités de surmonter les épreuves. Nous n'avons pas cette puissance-là de nous-mêmes. De nous-mêmes, l'homme est incapable. De nous-mêmes, l'homme est impuissant. Alléluia. Dieu a dit, ce n'est pas la force. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la puissance de vaincre le péché, de surmonter les épreuves. Tu n'en as pas. Si tu veux te mesurer pour aller au ciel, par tes propres capacités, tu vas échouer. Le véritable croyant regarde au Seigneur. Alléluia. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il dit, qui es-tu? C'est lui qui dit cela. Ce n'est pas un pasteur. Pastori. Ce n'est pas un homme. Mais c'est l'Éternel des armées. Il vient là. Anakuja. Il dit, anasema, qui es-tu? Wewe ni nani? Grande montagne. Wewe mulima devant Zorobabel. Mbele ya Zorobabel. Pour faire obstacle à la construction du temple. Majengo ya hekalu. À la reconstruction du temple. Kujengulula kwa hekalu. Qui es-tu, grande montagne? Wewe ni nani mulima mkubwa? Devant Zorobabel. Zorobabel. Et notre Zorobabel, Zorobabel c'est le Saint-Esprit. Nirom takatifu. Alléluia. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Wewe ni nani mulima mkubwa? Alléluia. Amen. Il n'a pas dit qui es-tu, grande montagne? Asikusema huku nani wewe mulima mkubwa? Devant le peuple. Mbele ya watu. Non. Apana. Devant mon peuple. Mbele ya taifa yangu. Non. Apana. Qui es-tu, grande montagne? Huku nani wewe mulima mkubwa? Devant Zorobabel. Mbele ya Zorobabel. Toi qui empêches l'œuvre de Dieu d'avance. Wewe unazuiza kazi ya Mungu kuendelea. Wewe huku nani mbele ya Zorobabel? Comme je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. pour toi. Le Seigneur dit, qui es-tu péché? Qui es-tu mensonge? Qui es-tu ivrognerie? Qui es-tu adultère? Qui es-tu tel péché, tel péché, tel péché? Non pas devant moi, mes enfants, mais devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci. Toi, tu es ici. Le diable est là. Avec ses séductions de péché auxquelles il est présent devant toi pour t'empêcher d'avancer. Alors, entre toi et le diable, entre toi et le monde, entre toi et l'esprit, Dieu place le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Toi, tu es ici, le diable là-bas, et Dieu place le Saint-Esprit au milieu. Et il dit, qui es-tu adultère? Qui es-tu mensonge? Qui es-tu ivrognerie? Devant le Saint-Esprit. Parce que mon enfant doit passer. Mais toi tu bloques. Le Saint-Esprit est devant toi. Il doit frayer le chemin pour que mon enfant passe et continue ce voyage. Alléluia. Amen. Ne te compare pas toi-même aux choses du diable. Le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Il dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Les montagnes. Ulima. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des villes ou des villages où il y a plein de montagnes. De telle manière que vous voyez cette montagne-là. Alléluia. Amen. Vous perdez courage. Vous dites que je dois surmonter cette montagne. Allez de l'autre côté. Et il n'y a pas qu'une seule montagne. Il y a plusieurs montagnes. Mais vous devez escalader pour arriver jusque là où vous partez. Tu regardes toutes ces montagnes. Tu perds courage. Tu dis, je ne saurais pas avancer. Mais le Seigneur dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Aplani. Toutes ces montagnes seront rasées. Et tout ça sera plat. Alléluia. Amen. Vous allez marcher dans la gloire de Dieu. Qui es-tu adultère, mensonge, ivrognerie, vol? Alléluia. Amen. Qui es-tu tous ces péchés devant le Saint-Esprit? Tu seras aplani. Aplani. Alléluia. Amen. Aucun péché résistera aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous n'irons pas dans la gloire avec le péché en nous. Le Seigneur délivre. Le Seigneur libère. Le Seigneur affranchit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il vous rendra libre. Crois la parole et obéis. Tout ce qui t'environne, le Seigneur va faire écrouler. Alléluia. Amen. Et il continue, il dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Amen. Il posera la pierre de fête au milieu des acclamations, au milieu des alléluia, au milieu des amen. Alléluia. La pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire et il est aussi la pierre de fête. Vous avez la pierre angulaire, vous voyez la pyramide ou dans la construction, la pierre angulaire se pose avant le fondement. Alléluia. Amen. Avant de mettre le fondement, il y a d'abord la pierre angulaire qu'on doit mettre là. Et après, il y a le fondement. Et on continue. Et à la fin, il y a la pierre de fête. Alors la pierre angulaire, qui est le commencement de la construction, c'est Jésus-Christ. Et la pierre de fête, qui est l'achèvement de la construction, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier et il est le dernier. Alléluia. Amen. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Nous continuons à lire. Alléluia. Amen. Il dit la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Il dit, les mains de Zorobabel. Donc, l'Éternel est en train de parler comme s'il était en train de juger. Alléluia. Il est en train de parler avec détermination. Si tu es l'enfant de Dieu, ne désobéis pas la parole. Ne doute pas la parole. Crois seulement. Parce que Dieu parle avec détermination. Celui qui parle, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur. Ou un docteur ou qui que ce soit. Ou un prophète. Mais c'est l'Éternel des armées. Il dit le main de Zorobabel. On fondait cette maison. Les mains de Zorobabel achèveront cette maison. Cela veut dire les mains de Zorobabel ont fondé. Malgré les obstacles, cela n'empêchera pas l'achèvement de cette maison. Zorobabel achèvera cette maison. Alléluia. Amen. Si Dieu a commencé l'œuvre du salut avec vous, Alléluia. Amen. Si ton salut, si ta présence ici, le commencement, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que le diable monte, que le diable descende, Dieu va achever l'œuvre avec toi. Alléluia. Amen. Dieu va achever. Rien, aucun obstacle ne pourra empêcher. L'essentiel, que ça soit la révélation, la foi de la révélation. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu commence, il achève. La parole neno se reproduit selon son espèce. Remarquez une chose. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que ce que Dieu fait, si vous êtes dans son programme, ayez la foi, la joie. Alléluia. Amen. Je peux donner un exemple. Un ivrogne, le matin, il s'enivre. À midi, il est toujours ivre. Le soir, il est toujours ivre. Mais c'est un cultivateur. C'est ça le souci, hein? Oui. Alléluia. Amen. C'est un cultivateur. Il a pris les grains de maïs. Il va dans son champ. Étant ivrogne. Alléluia. Amen. Il a les grains de maïs étant ivrogne. Il part dans son champ étant ivrogne. Il sème les maïs étant ivrogne. Il a sémé étant toujours dans l'ivrognerie. Étant ivre. Alléluia. Amen. Étant ivre, c'est ce que je voulais dire. Donc il est en train de semer étant ivre. Il termine à semer étant ivre. Anamaliza kupanda miindi mulevi. Il retourne. Anarudia. Et il y a un féticheur. Kukusasa mupaka madawa. Il se dit, anasema, je dois aller ensorceler ce champ-là. Mitenda kuloka ile mashamba. Pour que ça ne produise pas de maïs. Quand il va aller voir, ataona, son champ va se transformer en braise. Mashamba yake tabadilika kuwa makala. Il dit, mais je ne veux pas le faire seul. Je veux solliciter les magiciens. Il appelle toutes les magiciens. Venez m'aider. Nous allons ensorceler les champs d'un ivrogne. Il a semé le maïs. Nous allons transformer ça en braise. Les magiciens ont dit, ok, nous sommes d'accord. Nous sollicitons aussi tous les démons. Les magiciens ont sollicité les démons. Les démons ont dit, c'est une bonne chose. Sollicitons aussi les diables. Ils ont sollicité Satan. Et le féticheur, le magicien, les démons, le diable en personne, ils ont entouré les champs. Ils ont commencé à invoquer que ce champ de maïs soit transformé en braise. Pendant qu'ils font ça, l'homme est en train de boire avec ses alcools. Il est ivre. Il se voit que là dans son champ, le diable est en train d'ensorceler. Alléluia. Amen. Quand le temps viendra, l'étafika, lors de la reproduction de la semence, ça ne produira pas de braise. Ça va produire de maïs. Parce qu'il ne s'agit pas de ce ivrogne-là. Ils n'ont pas affronté l'ivrogne. Ils ont affronté Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, chaque semence se reproduira selon son espèce. Alléluia. Amen. Ce n'était pas l'affaire de l'ivrogne là, mais c'était l'affaire de Dieu. Jamais le maïs va se transformer en braise. Laisse-moi briser la parole de Dieu. La parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Ainsi, toi, tu as la parole de Dieu en toi. Tu le crois par la révélation. Tu obéis à la parole de Dieu. Tout ce que le diable peut faire, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé. Et les mains de Zorobabel achèvent. Si Dieu a commencé le Seigneur, lisons les Écritures. Quelques Écritures et puis on termine par là. Nous allons continuer. Demain Dieu voulant. Hébreux chapitre 12. Waibrania sura 12. Verset 1er. Msari ya kwanza. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Na sisi pia tavile tunazungukwa na kundi mkubwa ya washuhuda. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Tutupe mizigo yote na zambi yote ile natubeba kwa wepesi. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Tukimbie na kudumu kote mukazi ile walitufunga. Ayons le regard sur Jésus. Benye kwa na macho yetu kumtazamia Yesu. Qui suscite la foi. Benye kulamusha imani. Et amène à la perfection. Na kuleta ku kamilifu. En échange de la joie qui lui a été réservée. Badirisha kwa furaha ile ilimchungiwa. Il a souffert la croix. Aliteseka msalaba. Mépris ignominie. Mwenye kubeuliwa na kupatishwa haya. Nalikana kukume kwa kiti ya enzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il suscite la foi. Yeko na namusha imani. Alléluia. Amen. La foi par ta foi que tu as imani dans la révélation suscitée par Jésus-Christ. Yenye kulamusha na Yesu Kristo. Et il conduit cela à la perfection. Na anaipeleka kukamilifu. Si tu crois la parole par la révélation, unaamini neno la Mungu kupitia comme nous l'avions dit hier et aujourd'hui à l'introduction, jana na leo mkingililio. Croyons Christ. Tuamini Kristo. Alléluia. Amen. Dans la révélation, la parole dans ton cœur, neno la Mungu mumoyo wako, le Seigneur Mwana va t'amener à la perfection. Atakupeleka kukamilifu. Alléluia. Amen. Tu finiras à être parfait. Utafikia paka mkuu mkamilifu. Sans péché. Bila zambi. Sans tache. Bila taka. Ni ride. Wala ni rien de semblable. Wala kiakufanana na ile. Alléluia. Amen. Lui qui suscite. Ye mwenye kulamusha. Et qui amène à la perfection. Nakupeleka kukamilifu. Continuons la lecture. Tuendele kusoma. Alléluia. Amen. Prenons Philippiens. Tuchugo wa Filipo. Philippiens premier. Wa Filipo sura ya kwanza. Verset 6. Msari ya sita. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, pas toi-même qui a commencé, parce que papa prie ici, Parce que maman prie ici. Parce que ton mari prie ici. Tu as accepté le baptême pour avoir la paix à la maison. Tu as accepté le baptême pour que cette soeur-là t'accepte en mariage. Tu as commencé toi-même. Tu vas retourner. Mais la Bible dit, je suis persuadé, celui qui a commencé, Jésus-Christ. Si c'est lui qui commence en toi, il rendra cela parfait. Alléluia. Amen. Qui commence en toi. Continuons la lecture. Prenons un Pierre. Petro wa kwanza. Un Pierre, oui. Petro wa kwanza ndio. Verset 5. Sura. Verset 10 à 11. Chapitre 5, verset 10 à 11. Sura tano kumi na kumi na moja. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mungu wanema yote ulanimita ndani ya Yesu Kristo utukufu wake wa milele. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Kisha kuteseka kwa muda kidogo. Vous perfectionnera lui-même. Atamikamilisha yeye mwenyewe. Vous affermira. Atamitia nguvu. Vous fortifiera. Atamitia nguvu. Vous rendra inébranlable. Atamifanya mkose kutenda. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Wake uwezo miaka mia na mia. Alléluia. Amen. Après avoir souffert pendant un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous sanctifiera lui-même. Parce que l'œuvre lui appartient. Toi, crois la parole. Obéis et agissez la parole. Il a vaincu le monde. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. C'est lui qui nous conduit. Non, la personne qui est en train de nous conduire. C'est le vainqueur. Alléluia. Amen. Si le vainqueur est devant toi, kama mshindaji tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Si le vainqueur, kama mshindaji, tu marches devant un homme puissant, mutu wa uwezo, un homme influent, mutu wa uwezo, je peux donner un exemple. On a mis des barrières par-ci par-là. Il y a des caporal, il y a des sergents, il y a des capitaines, des lieutenants. Étaler là par-ci par-là. Il dit personne ne va passer. Personne ne passe ici. Vous restez tous derrière. Personne ne va arriver là-bas. Avec vos bagages. Restez de l'autre côté. Mais il y a un général qui se tient là. Il dit mets-toi debout. Prends tes bagages. Sois derrière moi. Quand tu auras peur de ce sergent, tu auras peur de lieutenant. Tu vas dire au général. Non, il y a des sergents là-bas. Devant. Non, il est au-dessus d'eux. Il dit place derrière moi. Et quand il passe, tous me le saluent. Tous obéissent. Et les passagers là, cela effrayé pour toi. Et celui qui nous conduit. La personne qui nous conduit vers la gloire, malgré la séduction du monde, malgré les démons, les diables, c'est le vainqueur des vainqueurs, Jésus-Christ. Il est devant et nous nous sommes derrière. Je me perds de quoi? Quand il met un pas, moi aussi je mets un pas. Quand il met un autre pas, moi aussi je mets un pas. Il a dit, je vaincu le monde. Comme moi je vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Alléluia. Amen. La victoire Ushindi qui est en nous triompha dans le monde. C'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que là, à Golgotha, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2. Alléluia. Amen. Au chapitre 2, Jésus-Christ, quand il transportait la croix, alléluia. Amen. Il va à la croix et il transporte la croix. Il monte sur la montagne avec les yeux naturels. On voit un homme de 33 ans avec une couronne de pieds, le sang qui coule, pourtant il croit en train de marcher. Mais la réalité qui s'est passée, la Bible dit Jésus-Christ a entraîné le diable et les démons dans le cortège de gloire. dans son cortège de gloire. Cela veut dire ceci: le diable était frappé, il était par terre, parce que la promesse avait dit il écrasera la tête du serpent. Le diable était par terre, les démons étaient par terre, liés, et Jésus-Christ était en train de les transporter, de les porter. Jésus-Christ montre avec les démons et le diable, eux ne marchaient pas, ils étaient par terre. On les traînait, Jésus traînait Satan, il traînait tous les démons, il marche avec eux, il marche avec eux jusqu'à la montagne. On le crucifie, il met le main comme ça, c'était la victoire. Et il dit: Père, tout est accompli, la victoire est accomplie, la rédemption est accomplie. Alléluia. La Bible dit: il avait déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Amen. Vous savez des choses. Nous terminons déjà. Vous savez des choses. Il y a des gens qui disent, en tout cas, d'autres familles, les choses ne marchent pas. Nous sommes dans les difficultés, dans la pauvreté. Il paraît que ce sont les problèmes familiaux. Notre oncle avait fait telle chose. Notre grand-père avait fait telle chose. C'est aussi qu'on avait dit, dans notre famille, nous ne serons pas bien. Nous aurons des difficultés. Les autres disent, dans notre famille, à cause de notre grand-mère, on avait dit que les femmes ne vont pas enfanter. Dans notre famille, on avait dit que chaque enfant que vous mettez au monde, ils vont mourir. Dans notre famille, on avait dit qu'on va étudier, on va pas terminer les écoles à cause de la malédiction familiale. Ces choses-là, laissez ça au groupe de réveil. Alléluia. Laissez ça au groupe de réveil. Pour nous qui croyons la parole véritable, la Bible dit: Jésus avait déchiré les ordonnances. Toutes ces ordonnances-là ont été déchirées. Et la Bible dit: celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Celui que Dieu bénit, qui va maudire. Alléluia. Ces croyances-là, c'est pour le Pentecôte. Le groupe de réveil, un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Il y a des mots-là. Il y a des expressions qui sont réservées aux païens. Ils sont réservées aux gens des dénominations, aux gens des groupes de prière. Alléluia. Amen. Ces expressions-là ne peuvent pas se trouver dans ta bouche. Toi qui crois la parole révélée, le message envoyé par le Seigneur. Alléluia. Amen. Le mot chance. Musemo bati. Chance. Bati. La chance n'est pas pour les enfants de Dieu. Bati, aina, batoto wa Mungu. Non, je l'ai eu par chance. Omiri pata kwa bati. Il n'y a pas de chance. Apana, kuikalake bati. Pour les enfants de Dieu. Wa batoto ya Mungu. Malchance. Oh, bati. En tout cas, moi, j'ai la malchance. Mini kuna mikoshi. J'ai la malchance dans mikuna ma vie. Mikoshi. Il n'y a pas de malchance. Kuikalake mikoshi. Dans la vie des enfants de Dieu. Maisha batoto ya Mungu. Il n'y a pas le hasard. Hakuna tu bati. Dans la vie des enfants de Dieu. Wa batoto wa Mungu. Il n'y a pas de malédiction. Kuikalake lana. Dans la vie des enfants de Dieu. Maisha batoto ya Mungu. Il est écrit dans Rome. Imeandikwa mu Roma. Tout. Biote. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui va arriver dans ta vie, c'est Dieu qui le fait concourir à ton bien. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? La pauvreté, la misère, le célibat, la maladie, les difficultés de ce monde, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà la parole. Obéis et Dieu agira. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Pendant que le frère va entonner une chanson, et le frère qui conduit les chants, il conduit une chanson, puis nous allons prier. Tutumia wimbo. prions tous le Seigneur.